Cosette assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. La chronique linguistique de Jasmine Raymond-Dréville sur les anglicismes. Et on reçoit Anne-Julie Durocher qui nous parle de la GE. On va aussi apprendre des choses dans C'est un fait. Assemblage qui commence maintenant. Bon matin, bienvenue à cette édition d'Assemblage requis en ce mercredi 15 février 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Oui, François-Olivier Marchand qui est juste là, là, là, là. Devant toi, Mathieu Plante, là, là, là, là, là, là, là, là. Déjà en train de regarder les blagues qui circulent sur Facebook en ce moment, j'imagine. Ah, j'ai ri un peu. Ouais? Ouais. Ouais, c'était une ton inside, ouais. Hein? Non, non, non. Je te conterai ça tantôt. Ah ouais? Ça se raconte pas à radio. Ah, ben, calé de mon petit vulgaire, toi. Je te pensais pas de mal. Aujourd'hui, à l'émission, à 7h30, on aura Jasmine Raymond-Drinville et sa chronique linguistique. On parle d'anglicisme. Thank you very much. Oh, ouais. Thank you very much. Welcome. That's fantastic, sir. Oh, yes, thank you, sir. Ketchup. T'as oublié ketchup. Ketchup. Oui. C'est un très beau... aussi, tu penses à un mot en anglais, tu penses à ketchup. Ketchup. L'affaire est ketchup. L'affaire est ketchup. C'est comme ça que ça me va. À 8h, on aura la chronique AGEQTR avec Anne-Julie Durocher. Et ça va être la première fois qu'on va jouer sa nouvelle intro rappée. Really Bitty Bop. Bitty Bitty Bop. Wow. On va rapper. Oui. On va rapper. Parle-moi de ça. Super. Donc ça, c'est à 8h. Et puis aussi dans l'émission aujourd'hui, j'ai vraiment envie. Et là, je me le mets ici pour être sûr de ne pas l'oublier. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de poste d'écoute. Et je me suis dit, poste d'écoute pour Band of Skulls, ça n'a pas le choix. On en a parlé hier en plus. C'est bon. On a fait jouer hier. J'ai hâte, c'est leur album Sweet Sour où on avait fait jouer une pièce. Qui vient de sortir, qui a sorti le 13. Non, le 7. C'est la semaine passée. Le mardi 7 février. Voilà. Donc, Band of Skulls, plus tard dans l'émission. On va aussi avoir une chronique C'est un fait et, en plus, une chronique CNX. Donc, émission chargée, on vous a rempli ça d'un bout à l'autre. Waouh, ça va être génial. On débute en anglophone avec du palmarès un petit peu. C'est Dr. Dog. C'est aussi un nouvel extrait du palmarès. Ben, je dis ça aussi parce que Band of Skulls. Band of Skulls aussi. Va l'être, là, c'est assez évident. Dr. Dog sur leur album Be the Void. Voici That Old Black Hole. That Old Black Hole. That Old Black Hole. Bon écriture. Ouais. Bon, c'est ça, c'est correct. Je veux pas être vulgaire, c'est des blagues Facebook en rond. Like that old black hole. Hey! Ça va, Jean-Martin? Ça fait pas de main! On dirait que c'est ça qu'il faisait dans la chanson. Un petit peu, hein? Yeah! Robin Cook du Dower Truck, assemblage requis, il est 7h10 minutes et en début d'émission, c'est toujours le moment de parler de choses geek, geek, geek, geek, geek. Allons-y. Est-ce du chiptune? Non! Non! Wow. Non! J'ai dit deux fois par semaine, c'est fait! Wow. T'as déjà bien fait! Ok, parfait. C'est Nix. Bulletin Geek pour ce mercredi 15 février. On résume les nouvelles depuis hier matin, mardi. Commençons avec des choses technologiques, des avancées de la technologie. Une antenne en bouteille. Une entreprise de l'Utah vient de mettre au point une antenne en pulvérisateur en spray. Une antenne? Oui, une antenne. Donc, fini les téléphones qui perdent le signal et le réseau. Le produit peut être pulvérisé sur un mur, un arbre ou des vêtements afin d'augmenter instantanément la capacité de réception de l'antenne existante. Intéressant. C'est quelque chose. Dans le cadre de la conférence Google's Solve for X, où Shamtech Enterprises a lancé le produit, l'équipe a pu envoyer un signal VHF à plus de 22 km seulement en pulvérisant leur création sur un arbre traité. Red Spencer, directeur de la technologie chez Shamtech, a mentionné que la technologie en pulvérisateur de l'entreprise pouvait améliorer l'efficacité des téléphones cellulaires de 10%. L'antenne est présentement en vente sur le site internet de la compagnie sous le nom de Spray-On Antenna Kit. Et les consommateurs intéressés doivent communiquer avec l'entreprise pour connaître les prix. Shamtech Enterprises travaille depuis le début du siècle sur le développement d'un tel produit. Quelle excellence! Ça doit valoir une petite fortune, hein? Ça doit, hein? J'imagine. C'est pas une canette de Sprinet normale, ça, là. Non. Ça fait des aussi beaux cheveux, ça. Lance pas des patates avec ça, hein? Les chercheurs taïwanais ont mis au point une technologie qui permettrait de verrouiller et déverrouiller les systèmes en se basant sur le rythme cardiaque unique de l'utilisateur. C'est l'équipe menée par Chun Liang Lin et travaillant à la National Chung Sing University basée à Taichung à Taïwan. Chung Ching Chung Chung. Qui a mis en place ce système. Ce dernier transforme le battement de cœur en une clé chiffrée par l'intermédiaire d'un électrocardiogramme et l'utilise comme mot de passe pour débloquer un programme ou tout autre système nécessitant un verrouillage. Le système se compose d'une base sur laquelle il faut appuyer la paume de la main. Le rythme cardiaque est ainsi lu et reconnu si l'utilisateur est bel et bien ce qu'il prétend être. Peu importe alors que la personne sorte d'un effort physique ou sous l'influence de la caféine, par exemple, le programme se base sur le schéma cardiaque propre à chaque individu, ainsi que sur un algorithme basé sur la théorie du chaos qui estime que de petits changements aux conditions initiales, entraînent des résultats légèrement différents. En somme, la clé chiffrée qui permet de verrouiller un système est totalement propre à chaque personne. Cette méthode est à l'heure actuelle au stade expérimental et a récemment été dévoilée dans la revue scientifique Information Science. Pour l'heure, Chun Liang Lin et son équipe envisagent de l'adapter pour protéger les dispositifs comme des disques durs externes qui seraient possibles de déverrouiller en les touchant. Les utilisateurs les plus inquiets pour leurs données pourraient avoir un vrai coup de cœur pour ce projet. Oh, génial. C'est bien. Les idées d'aujourd'hui sont donc bien fantastiques. Même chose pour la prochaine. Le créateur de BitTorrent veut tuer la télévision avec la vidéo en streaming via P2P. Bram Cohen, l'inventeur du protocole BitTorrent de partage de fichiers, a fait une démonstration lundi au San Francisco Music Tech Summit de son nouveau protocole BitTorrent qui permet de diffuser de la vidéo en direct en utilisant le réseau peer-to-peer, donc un projet ambitieux. En direct? En direct, en streaming. Donc, cette déclinaison de BitTorrent développée par BitTorrent Inc. vise à permettre la diffusion de vidéos en streaming sur des millions d'ordinateurs sans avoir besoin de passer par une infrastructure centrale comme YouTube, Netflix, etc. Selon Bram Cohen, le procédé pourrait être utilisé pour des vidéoconférences ou pour la retransmission d'événements divers comme des rencontres sportives ou des concerts. Il dit « Mon but avec ça, c'est de tuer la télévision. » Cohen a expliqué « Ben, tu sais, pourquoi pas. » Cohen a expliqué au site GigaHome être reparti de zéro pour développer ce nouveau protocole car les algorithmes de peer-to-peer actuels introduisent une trop grande latence, donc un délai dans la diffusion en direct et ne peuvent pas supporter la diffusion en streaming d'événements live à grande échelle. Le développeur n'a pas précisé ce que BitTorrent Inc. réserve pour l'avenir vis-à-vis ce nouveau protocole, mais des discussions seraient en cours avec des potentiels partenaires. On imagine qu'un tel service aurait sa place sur les téléviseurs connectés, c'est branché à Internet, mais pourrait aussi être prisé par les éditeurs de vidéos plus modestes car la diffusion en streaming perd à serait sans doute une méthode économe pour proposer du contenu à grande échelle. Une vision que partagerait en leur temps des projets comme Juiced ou Bubblegum. D'accord. Une autre avancée technologique, c'est celle de Sony qui nous annonce une prise électrique pour mesurer la consommation des appareils. Donc, un nouveau type de prise électrique qui permet d'identifier un appareil et de calculer sa consommation, un moyen utile pour facturer l'usage individuel de l'électricité dans les lieux publics équipés. Dans des lieux publics équipés de cet appareil-là, de ce gadget. a été présenté par le géant japonais de l'électronique Sony. Alors que de plus en plus de particuliers utilisent des ordinateurs, tablettes, baladeurs, téléphones portables dans des cafés, gares, aéroports, trains ou autres espaces collectifs, le besoin de bornes de recharge augmente. L'adoption des véhicules électriques renforce encore la nécessité de telles infrastructures. Toutefois, les opérateurs de sites publics ne sont pas nécessairement enclins à fournir gratuitement le courant électrique. Hein? Ça coûte cher, ça. Tu sais, à Chasse-Galerie, mettons qu'il y a 30 clients puis 5 prises de courant, tu sais, à un moment donné, ça commence à coûter cher pour la place, puis c'est pas chargé, c'est dans le prix du café. En tout cas, peut-être. Peut-être qu'il y a un minuscule prix du café qui est, ouais, qui est inclus dans l'électricité. En tout cas, le système de Sony, encore à l'état de prototype, permet d'identifier précisément un appareil ou son utilisateur grâce à une puce dite sans contact, qui est la Filica de Sony, insérée dans l'embout du câble électrique ou dans l'appareil. Cette étiquette est reconnue par un lecteur associé à la prise de courant, et les données sont adressées à un système central qui permet de visualiser la quantité d'électricité consommée ainsi que l'historique d'utilisation. Outre le fait que ça permettra de facturer précisément la consommation d'un appareil en lieu public, d'autres avantages existent aussi pour l'utilisation à domicile. Les foyers pourront par exemple mieux analyser l'usage et la consommation de chacun de leurs équipements, voir qu'est-ce qui fait que mon électricité coûte aussi cher que ça. Est-ce que c'est ma télé? Est-ce que c'est mon fridge d'air? Est-ce que c'est ma sécheuse qui vire 24 heures sur 24? C'est peut-être ça. Je sais pas ce que ça tu peut fais. Être une bonne. Ouais. Dans les futurs réseaux électriques, ce système de reconnaissance d'appareils pourra aussi permettre de gérer les priorités d'usage et au moment des pics, lorsqu'il existe un risque de dépassement de la capacité, de couper automatiquement l'alimentation d'appareils allumés inutilement, comme par exemple un téléviseur ou un ordinateur. Mm-hmm. Le risque de pénurie de courant résultant de l'arrêt de la quasi-intégralité des 54 réacteurs du Japon pour maintenance ou par précaution à la suite de l'accident de Fukushima incite les entreprises à imaginer des techniques nouvelles pour utiliser l'électricité de façon plus parcimonieuse et à meilleur escient. Au moins, ça va servir à quelque chose. Ben, c'est ça, hein, les avantages de ça, là. On les compte sur la main d'un amputé. Parlons de Google maintenant. Afin de faciliter et d'accélérer la recherche des internautes sur les symptômes qu'ils ressentent, Google met à leur disposition un système de listes répertoriant les différents états de santé auxquels leurs mots M-A-U-X, là, ouais, pourraient être associés. Aujourd'hui, j'essaie de faire des liaisons qui n'ont pas rapport. Ça s'associe. Si une habitude est bien ancrée chez les internautes, c'est bien celle qui consiste à jouer au docteur. En effet, qui n'a jamais fait des recherches sur le web pour tenter d'établir un diagnostic à partir de ses symptômes? Je pense que tout le monde a fait ça. Moi, j'ai pas fait ça. Non? Non. J'ai une douleur à tel endroit. Non, t'as jamais fait ça sur Google? Non. Ouais. Non, du plus loin que je me souvienne, non. Mais t'es un jeune homme en santé, François. Ouais. Mais t'sais, si j'ai mal, je sais pas, mettons un mal physiquement... Ouais. Je sais, c'est parce que j'ai tombé, mais tu sais, si t'es capable de le plier, il est pas cassé. S'il est cassé, ben ça donne rien d'essayer d'aller voir sur Google. Là. Mettons des palpitations. Des palpitations, car... ouais, ouais, c'est ça. Mais à la limite, ça va passer. Là, mais... À la limite, ça va passer. Ou ouais, ça passera pas. Mais ben, ouais. Au pire, hein, si ça passe pas, ben c'est ça. C'est un problème pour une autre fois. Hein, on traversera le pont lors de l'arrivée de l'ours avant d'avoir vendu. D'après les chiffres de ComScore, les Américains sont de grands adeptes de ce type de recherche. Près de 100 millions d'entre eux tentent de trouver de telles informations médicales sur le web. Le médecin Ronnie Ziegler, c'est un médecin et chef en stratégie santé, il a indiqué sur le blog de Google que lorsque les internautes effectuent une recherche sur leurs symptômes, dans la plupart des cas, elle est suivie par une autre recherche portant sur les conditions de santé reliées. Dorénavant, Google fera sauver du temps aux internautes inquiets de leur mal mystérieux en leur faisant éviter cette deuxième étape. Pour ce faire, le géant d'Internet proposera des listes répertoriant ces différents états de santé aux internautes utilisant son moteur de recherche pour vérifier leurs mots. Cette liste pourra ensuite être utilisée par la suite dans le but de raffiner les requêtes. Ce système de listes ne remplace évidemment pas une visite chez le médecin. Elles ne sont pas écrites ou conçues par des médecins. Elles ne font que répertorier en un lieu commun les informations glanées ici et là sur le web. Fiez-vous pas trop là-dessus, mais en même temps, s'il y a des sites fiables sur Internet pour la santé, les WebMD, ils disent vraiment le monde se sert de ça puis ça fonctionne bien. Mm. Quand même. Le gouvernement canadien a présenté mardi un projet de loi donnant à la police plus de droits de surveiller les communications sur Internet, s'attirant les critiques de l'opposition et de défenseurs des libertés. Le gouvernement conservateur a présenté cette initiative comme un moyen indispensable de combattre notamment la pornographie infantile sur le web, citant des exemples de fournisseurs d'accès qui n'ont livré les renseignements demandés qu'au bout de plusieurs jours. Je cite, « Les nouvelles technologies offrent de nouveaux moyens de commettre des crimes qui rendent les enquêtes plus difficiles », a dit le ministre de la Justice, Rob Nicholson. Les conservateurs du premier ministre Stephen Harper disposant de la majorité au Parlement, la loi devrait être adoptée sans trop de difficultés. Les partis d'opposition et les groupes de défense des libertés civiles ont affirmé de leur côté que le texte offrait à l'État trop de possibilités de s'ingérer dans la vie privée des internautes. Il permet notamment à un agent de police d'installer sans mandat judiciaire, un dispositif permettant de relever le numéro d'identification de tout appareil branché sur Internet, donc l'adresse IP. Il impose aussi aux fournisseurs d'accès de recueillir et garder certains renseignements. La commissaire à la protection de la vie privée, qui ne dépend pas du gouvernement, a adressé en octobre dernier une lettre au ministre de la Sécurité publique pour lui faire part de sa profonde inquiétude. Je cite, « En renforçant le dispositif légal de l'État en vue de surveiller les contenus privés et d'y accéder, et en réduisant le contrôle judiciaire, la loi permettra au gouvernement de soumettre plus de personnes à une surveillance minutieuse. » C'est ce qu'elle a écrit, donc ça fait un petit peu peur. Un petit peu beaucoup. Mais pas tant que ça non plus. Pas tant que... Ben ouais, c'est ça, on a rien à cacher, disons. Ouais. C'est ça, les criminels, en fait, ouais. Criminal! Facebook a des impacts de plus en plus importants dans les relations entre les employés et leurs patrons, selon une étude. Ça, c'est une récente étude. J'essaie de combien des mots pour sauver du temps. Américaine, environ un employé sur cinq est ami avec son patron sur ce réseau social, Facebook. La firme de marketing Russell Herder a mené l'automne dernier auprès de répondants américains un sondage pour comprendre l'attitude et le comportement des superviseurs et de leurs employés amis sur Facebook. Alors que 21% des répondants ont affirmé être amis avec leur patron sur Facebook, 5% ont dit l'avoir déjà été, mais ne plus l'être. Toutefois, l'étude n'a pas cherché à savoir qui avait mis fin à la relation. Ouais. Boss, c'est un employé qui a arrêté ça? C'est un employé, j'imagine. Je pense que oui. Elle s'est tout de même demandé qui avait lancé l'invitation à l'autre, et dans près de la moitié des cas, c'est l'employé qui avait fait la demande à son patron. La plupart du temps, dans 70% des cas, la relation est surtout sociale, donc pas liée au travail entre un employé et son superviseur. En communiquant avec leur patron, les femmes délaissent les sujets de conversation liés au travail davantage que les hommes. Les sondeurs se sont aussi demandé s'il était approprié ou non pour un patron d'être ami sur Facebook avec une personne qu'il supervise. La plupart des répondants âgés de 35 ans et plus ont trouvé ça inapproprié. Toutefois, près de 85% des répondants ont affirmé que leur relation virtuelle avec leur patron n'avait aucun impact sur leur travail. Le sondage a été réalisé en ligne en octobre auprès de 1000 répondants aux États-Unis. Rien à dire. On parlait hier du jeu vidéo qui a pris 24 heures pour amasser $1 million via un projet Kickstarter. L'affaire où tu peux mettre de l'argent, le montant que tu veux, et puis à la fin, si le but est atteint, le jeu va être produit, puis tu as un rabais. Bon. Donc, une nouvelle plateforme de financement collectif pour jeux indépendants, ça s'appelle Gambitious, qui ouvrira ses portes le mois prochain. Ça va permettre aux internautes d'investir dans les projets de développement de jeux vidéo de leur choix et d'obtenir en contrepartie une part des bénéfices des projets en question, si ça devient gros. Sans doute inspiré par le succès de Double Fine dont on parlait il y a quelques secondes à peine, ils ont ramassé finalement 1,7 million. Donc ça a vraiment très très monté, très très haut. Ça a bien fonctionné. Ok, oui. Donc les développeurs qui s'inscriront sur Gambitious pourront choisir librement le pourcentage de la propriété de leur projet qu'ils offriront et le montant qu'ils demanderont en échange. Gambitious est en train de reproduire le phénomène à plus grande échelle. Au lieu de simplement acheter à l'avance sa propre copie d'un jeu et d'obtenir quelques bénéfices auxiliaires, on pourra investir des sommes plus considérables en échange d'actions. Et ainsi bénéficier du retour sur l'investissement si jamais ça connaît un extrême grand succès. Là. Grosse affaire. L'objectif de Gambitious consiste à permettre aux développeurs indépendants d'obtenir le capital dont ils ont besoin sans passer par les éditeurs traditionnels. L'ouverture du site est prévue pour le mois de mars. Et finalement, la publicité télé est sortie pour la PlayStation Vita. Est-ce que t'as commencé à voir des publicités pour ça? Non, vraiment pas. Vraiment pas? Non. J'ai envie de te la faire entendre juste pour que tu me dises ce que tu penses du fameux doublage français que j'adore. Donc, tu sais, moi, comment j'aime le doublage français, là, fait sans aucune émotion du tout. Là. Ils sont bien, bien forts là-dessus. Là. Donc, la publicité de la PlayStation Vita. Puissante, violente, puissante, sulfureuse. La série. Non, évidemment, ça, c'est pas... Ça, c'est la publicité qui jouait avant la pub. OK. Là, c'était le puissant. Ça avait l'air impressionnant quand même, mais c'est pas aussi impressionnant que ça. C'est plus écoutez, ça va être bien drôle. Vous pensez que votre monde ressemble au mien? Ce n'est pas le cas. Là où certains voient la routine, je provoque l'inattendu. Là où certains la... Donc, on voit des gens dans des situations normales, dans l'autobus, sur la plage, partout où ils peuvent. Là, j'ai l'air seul. Nous sommes des milliers. Parce que dans mon monde, les règles ont changé. Une femme qui se fait une manucure. Et là, finalement, on voit qu'elle est dans une arène de boxe et elle se met à se battre. Le monde est un terrain de jeu. Le gars qui était dans l'autobus, il sort, puis il y a un grand terrain super épique de film. Alors, l'autre est sur un terrain de soccer. Et le gars à la plage se transforme en scène de guerre comme dans un film, puis il sort son fusil. Nous reconstruirons ce monde. Nous en créerons de nouveaux. Et nous nous battrons comme jamais. Venez jouer. Débarquement de Normandie. Ouais, Jean. Vous savez où me trouver. Je suis ici. Là. Et partout. Écoutez bien le slogan. Le monde est sur play. Le monde est sur play. Hein? Et... Au Québec, c'est n'arrête pas de jouer, n'arrête jamais de jouer. Genre, je trouve que ça avait du sens, mais... Le monde est sur play. Ouais, Ben, c'est pas super, je m'attendais à pire, on dirait. Non, la publicité est épique quand même. Quand tu la regardes, c'est quand même impressionnant, malgré le doublage. Là, c'est quand même pas si pire que ça et je devrais pas passer l'intro au début de même. Donc, voilà pour ça. Sinon, il y a aussi un collier Lego que je vous ai posté sur assemblagerequis.com pour la Saint-Valentin. C'est un petit collier. Je sais même pas si on peut l'acheter en fait, mais c'est juste c'est deux morceaux de Lego qui ressemblent un petit peu à des. C'est genre un carré avec un coin rond. Là. Puis quand tu snaps les deux ensemble, ça fait un cœur. Donc, chacun a son morceau de Lego, puis c'est pour les amoureux. Aussi, de quoi aurait l'air un iPhone des années 80. Donc, on vous montre un iPhone avec un système style Mac OS très vieux. C'est très joli. Ça serait Moi, j'aimerais vraiment ça si on pouvait... sûrement que ça va être possible bientôt. Mais quand tu craques ton iPhone, de pouvoir avoir exactement ce look-là dessus. J'aimerais vraiment, vraiment ça. C'est un genre de 1986 qu'ils disent dessus. Okay. iPhone 1986. Le top 10 des avant et après de transplantation de face, de figure. Tu sais, on entend souvent parler de quelqu'un qui a eu un choc électrique ou qui s'est fait attaquer par un ours. Défiguré, là. Défiguré, puis là, ils leur font un transplant, une transplantation de figure. Donc, ils prennent la face de quelqu'un d'autre et puis ils la mettent sur la face de la personne qui a été accidentée. Arrange ça. Ça donne jamais un très, très beau résultat parce qu'on n'est pas encore rendu là. Mais allez voir ce top 10-là. C'est impressionnant de voir que ces gens-là sont encore vivants et ont maintenant une figure. Une figure qui est extrêmement épeurante. OK? Ça fait faire le saut, mais au moins, il y a une face, t'sais. Ouais, c'est ça. Ils peuvent manger, ils peuvent fonctionner. Là. Voir dans certains cas, mais pas tous. Vraiment pas tous en les regardant. Mais en tout cas, donc allez voir ça sur assemblagerequis.com. Et puis voilà pour la chronique CNX, c'est assez pour aujourd'hui. Pas de chiptune. On arrête ça là. C'est fait. Bingo. Transplote-moi la face. Oh, vers une pub. Hein? Non? Mathieu. Ben, il y en a des bien réussis, par exemple. Une coupe, hein? Ouais. Peut-être une, deux. Ouais, la madame. Ouais. C'est ça. Je pense qu'on parle de la même. On parle de la même, c'est ça. Allez voir sur assemblagerequis.com. Les liens sont tous là. Nous, on prend une minuscule pause. Une courte pause. Ben oui, courte. À peine quelques secondes. Et après ça, on va revenir avec la chronique linguistique de Jasmine Raymond-Drainville sur les anglicismes. Restez là. C'est fou pour l'écouter. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. De croire que tu tiens encore debout à part la peur de sortir à part les nuits sans dormir la fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en veux, mais tu t'en remets. Pas la peine de compter les heures. Tu t'en veux, mais tu t'en remets. De tomber de haut te prend encore Et si l'envie d'avoir mal te monte à la tête, la vie te brûlera ton cœur. Pas la peine de compter les heures. La vie te fera brûler le cœur. Sur l'album Sleep and Forgetting de Islands au 89 FM, c'est Assemblage Requis. On aime ça, hey, cette chanson-là. Hey, on en joue-tu de la bonne musique ici? Oui. Hein? Hey, oui. Se réveiller avec ça, c'est-tu pas le bonheur total? Hein? Espérons-le. Bon. Me réveiller avec ta voix surtout parce que c'était fort dans mes écouteurs, j'ai tellement fait le saut. Baisse le son. Je viens de baisser. C'est ça qu'il fallait. C'est ça. Est-ce que tu veux que ce soit encore pire? Non, c'est correct. Moi, je chanter une petite chanson. On va en entendre une. Chronique linguistique à Jasmine. Chronique linguistique à Jasmine. Jasmine, elle parle de langue, mais avec sa langue dans sa bouche. Bon. Ouf. Hein? J'y suis toujours vraiment attachée. Bon. Je l'aime vraiment. Tantôt plus tard dans l'émission, pour ceux qui nous écoutent en direct, on va voir Angélie Durocher. On va entendre pour la première fois son intro, elle aussi. Donc, elle n'est pas en reste. J'ai vraiment hâte. Ça va être la première fois que je vais l'entendre. T'as pas l'air trop stressée, là. Non, je vous fais confiance. C'est une mauvaise chose. Elle m'a demandé de l'entendre avant de la faire jouer, puis je l'ai pas fait. C'est ma faute. Donc, Jasmine, aujourd'hui, on parle d'anglicisme dans ta chronique linguistique. Thank you very much. Ouais, on fait ça. J'espère qu'on fait ça. Oui, dans le fond, j'ai été sur le site de mon merveilleux professeur, ex-professeur André Bougaïef, qui est l'homme qui connaît le plus de choses sur cette planète. OK. Puis, dans le fond, pour que les étudiants puissent se préparer au TECFE, les étudiants en enseignement, il y avait une TECFE grosse... TECFE étant le gros examen. C'est ça, là. L'examen de français que tous les enseignants doivent passer avant de faire leur stage 3. D'accord. Donc, il a fait une grosse liste de vraiment beaucoup trop de pages sur les anglicismes, alors j'ai été en chercher là-dedans. D'accord. On en met beaucoup trop. Ketchup, c'en est-tu un? C'est un nom de produit, ça. C'est comme Kleenex, c'est-tu en français ou en anglais? Ça? Kleenex, c'est en anglais, ça? Mais c'est pas le nom, tu sais, c'est papier mouchoir. C'est ça. Ouais. Mouchoir tout court, en fait. Kleenex, ça doit être reconnu dans le dictionnaire, non? Ben non, c'est comme Frigidaire. Frigidaire, c'est une marque, ça, là. Oui, mais les anglicismes, il y en a plein là, qui sont reconnus dans le dictionnaire, mais que ça va être écrit anglicisme à côté, ouais. Justement, puis qu'il faut éviter de les utiliser. Genre un happening, attends. Non? Mais s'ils sont écrits dans le dictionnaire, non? C'est pas mieux pour. Ben, il y a une équivalence pour les mieux. Tu peux utiliser le mot en anglais, mais c'est pas recommandé, j'imagine, peut-être. Il y en a qui sont carrément des erreurs, là, mais il y en a que. T'as des erreurs dans le dictionnaire? Non, pas dans le dictionnaire, mais dans toi, quand tu parles, il y a des erreurs, tu sais. Comme quoi, quand on te regarde, t'es une erreur. C'est vrai, dans le matin, ici. Oh! On commence-tu? Oui, s'il te plaît. OK. Dans le fond, je vais vous les nommer, puis dites-moi par quoi on peut les remplacer. Si vous êtes trop push. Des équivalents en français. Est-ce que c'est un quiz? Est-ce qu'on buzz? On n'a pas l'instrument. Non, calme-toi le buzzer à matin, là. On a eu la semaine passée, ça en masse, on en a assez pour un mois. Ben oui, c'est moi le problème quand on a des buzzers. Hein. C'est vraiment moi le problème, tout ça. Non, il y en a d'autres qui trichent, tu sais. Hey, bon, moi, j'ai vraiment avoué. Cru la semaine passée. Ah, mais je l'ai avoué, là. J'ai cru. Bon, OK, go. Si je vous dis, il reste 10 minutes à jouer. À jouer, c'est fautif. De jeu? De jeu. Ouais. Simplement. C'est pas un anglicisme? C'est un anglicisme. To play? À jouer? Oui. To play. Oh, ouais. Faudrait un anglicisme. Normalement, c'est le A qu'il faut pas. C'est dans la formulation de la phrase? C'est ça, Adélie. Ben, pas du tout, parce que faut remplacer l'expression « à jouer » par « de jeu ». Si tu dis « il y a 10 minutes de jouer », ben tu viens de changer le sens, puis ton c'est pas accordé comme il faut, là. Ouais. Okay. Mais dans ma tête, ça faisait du sens. Tu vois, faire du sens, ça se dit pas non plus, c'est un anglicisme. Hey, je vais l'avoir plus tard, c'est en ordre alphabétique. Colin, moi qui pensais... Je faisais mon petit fendant, là. Tu peux me le dire. Faisais ton fendant. Merci. OK. Ensuite, si je vous dis à la journée, à la semaine ou à l'année longue. À l'année longue. Ou à la journée longue. L'année tout court. Toute l'année. À longueur d'année. À longueur de semaine, à longueur de journée. OK. All year long, all year. C'est ça, ouais. Ça. Donc, anglicisme, on évite. Ouais. Ensuite, c'est bon en anglais, Mathieu. Ben, bof. Comme j'ai raté celle-là. OK. Bon. Si je vous dis abus physique sexuel. Ouais, en tout cas, en fait, abus physique ou abus sexuel. Agression. Wow. Agression. Ah, ouais. Je vais vous donner 5 secondes. Loin, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'est bien. Donc, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Okay. Donc, agression. Ça, c'est mon. Ben, pas mon préféré, parce que je vais avoir l'air vraiment de rien faire d'autre dans la vie que de lire des anglicismes. Une alternative. Si je vous dis la phrase, supposons. J'ai trois alternatives. Ben, en fait, c'est juste une formulation. Là. Trois choix. OK, 5 secondes écoulées. Ah, je sais pas. Dans le fond, c'est qu'en anglais, une alternative, ça représente chacune des possibilités qui s'offre à toi. Ouais. En français, une alternative va être une possibilité de deux choix. OK. Donc, ça serait juste deux alternatives. Tu peux pas en avoir plus que deux? C'est pas ça pendant tout. En fait, c'est le mot alternative qu'il faut pas que tu emploies. Il faudrait que tu le remplaces par le mot choix, mettons. OK. Parce que si tu dis j'ai deux alternatives, ça veut dire que tu as comme. Deux fois quatre, le même mot? Ça veut dire que t'as comme quatre choix ou plus. OK. Donc, j'ai une alternative. Une alternative. C'est correct. C'est deux choix. Ou plus. Non, une alternative, c'est deux. T'as choix en deux choses. Ben, ça peut être plus que deux choses, en fait. Mais en fait, c'est que ce qui est important à retenir, c'est que. Non, mais attends, ce qui est important à retenir, c'est que en anglais, l'alternative, c'est une chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. En français, ça représente l'ensemble des possibilités qui s'offrent à toi. Ah, OK. Donc, j'ai mal formulé, pardon, c'est ça. Non. Non, tu peux juste pas le dire. On le dit pas. OK, je vais arrêter ça. Ça dépend de ce que tu veux dire, en fait, mais c'est que le mot alternative en français ne représente pas. Si t'as 7 choix qui s'offrent à toi, t'as pas 7 alternatives. En anglais, ça va être ça. T'en as 3 et demi. Non, non. On va passer au prochain, je pense. Ça représente l'ensemble. Ouais, c'est ça. Bon. Moi, je te comprends, Jasmine. Merci. Ah, t'es poigné avec 2 qui est personnes qui ont de la misère aujourd'hui. OK, bon. Ensuite. Pas juste aujourd'hui, là. En général. Un appel longue distance. Interurbain. T'en plein ça. Ouais, facile, hein? Ouais. Interurbain. Ça se dit pas longue distance en français. Ouais. Hey, t'es plus dans mon équipe. Ça se dit. Ben là, ça se dit, mais pas ça pour se dit, ça. Ça se prononce, là. Oui. Tu peux. Longue distance. C'est ça. Tu peux le prononcer, musique, ta bouche est capable de le dire, mais on évite. Ouais, exact. OK. Appliquer pour un emploi ou sur un postuler. Emploi. Postuler. Ouais. Mais il faut dire. Souvent, les gens vont dire postuler à un emploi ou sur un emploi. On doit dire postuler pour un emploi. Un emploi, OK. Postuler un emploi. OK. Moi, je pensais qu'on poser sa candidature pour. Ah, c'est bien ça. Et voilà. Mais les garçons, je pensais que c'était pas un quiz. Moi, tu sais, j'essayais de réfléchir et d'avoir une réflexion par rapport à ça. Là, mais je pourrais toutes vous les énumérer, mais ce serait juste vraiment plate pour vous autres. Exact, exact. Mais non, mais je le sais, mais là, ils me laissent pas de chance. Ben, tu sais être plus rapide. Hein? À réfléchir. Ouais, OK, 2 mots en anglais qu'on prononce souvent, puis peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas les équivalents français. Okay. Ketchup? Non. À chaque fois que j'entends le mot ketchup, moi, je pense à l'épisode des Simpsons où, tu sais, M. Burns hésite entre le ketchup et le ketchup. Ça vous rappelle rien? Moi, à chaque fois, je pense à ça. Moi, je pensais que ça te faisait penser à de la moutarde, Jasmine, tu vois? Pas de moutarde. OK, donc, je vais y aller avec mon excellent français, back order. Back order. Back order. Ah, c'est... On sait ce que ça représente, mais c'est quoi le mot? En souffrance. En souffrance. En souffrance. Ah, c'est laid. Moi, j'aime ça. Okay. Je trouve ça beau. En souffrance. C'est une fille qui aime souffrir. De toute façon, c'est le vrai mot. Fait qu'on n'a pas le choix de le trouver. Ben, c'est ça. Faut que je le retenir maintenant. Hein? Ensuite, un background. Un arrière-plan. Un arrière, oui. Ouais. Oui, en plein ça. OK. Parfait. Alors. J'allais dire, on est rendu dans les B, mais on est déjà dans les B. ici, je vais juste le dire parce que c'est une question de comment on l'écrit. Le mot bagage, comment vous écrivez ça? B-A-G-A-G-E, en français? Il y en a beaucoup qui vont se mêler avec l'en anglais. Avec l'en anglais. Avec l'anglais, ils vont mettre B-A-G-G-A-G-E. Double G! Un peu comme ça me fait penser, c'est pas écrit dans mes affaires, mais le mot danse. Oui, c'est ça. En français, c'est S-E. D-A-N-S-E, en anglais, va être D-A-N-C-E. Il y en a vraiment beaucoup qui vont se mêler là-dessus. C'est facile à faire parce qu'il y a beaucoup d'événements qui portent un nom en anglais ou des jeux vidéo Just Dance. Fait que là, Dance Revolution. Mais je pense que c'est une faute qui arrive souvent au primaire parce que tu apprends l'anglais puis le français en même temps, puis sur des petits mots comme ça. L'erreur perdure. Okay. Moi, c'est ça parce qu'il y a bien des gens encore à l'université qui sont encore au niveau primaire. Hein, ça se peut. Dans leur français. Hein? Je vais m'abstenir de tout commentaire. C'est ça. Parfait. Basse ou haute pression? Wow. Basse ou haute pression? On le dit tout le temps, sauf que c'est tiré de l'anglais. Puis pression élevée, pression... hypotension, hypertension. C'est dur à retenir, en français. Mais l'hypertension, Hyper veut dire trop, veut dire plus. Là. OK. Mettons quelqu'un qui est hyperactif, on comprend. Là, on comprend qu'il est pas assis sur sa chaise à rien faire. Là. Puis hypotension. Il joue avec des instruments de musique, puis il arrête pas de poser questions, puis il se fait aller les mains, puis il se gratte la barbe. Puis... Hein? Hey, je suis mollo, là. C'est vrai. Très mollo. Je vais changer de tâche, hein. Hey, cool. Guiling, hein. Ah oui, ça, je l'aime aussi. Je les aime tous. Quand on dit hey, merci, nanana, bienvenue. De rien, Fais plaisir. Fais plaisir. Fais plaisir. Fais plaisir. Fais plaisir. Rien. Rien. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Ouais. Ben, c'est un plaisir, je vous en prie. Je vous en prie, non. On peut dire de rien aussi. OK, de rien, c'est... Ce n'est rien, ouais. OK, je l'avais dit, celle-là. Mais bienvenue, c'est quoi? C'est you're welcome. Ouais, c'est ça. Parfait. C'est ça. Cool. Je savais pas qu'on pouvait pas le dire. Une caméra. Une caméra. Un appareil photo. Oui, parce que souvent, on va employer le mot caméra pour désigner un appareil photo. Alors que c'est pour les caméras pour de les caméras vidéo. D'accord. Non, vidéoscope. Un magnétoscope. Ouais, un VHS, un VCR. Ça va être le lecteur. Ça va être le lecteur. Non, je vais continuer à ne pas parler. Non, t'es bon. Mais dis-toi qu'il y a peut-être des auditeurs qui t'entendent qui se disent finalement, c'est pas super. T'es proche du public. Je fais semblant de pas être bonne. Semblant. Okay. Ça marche en tout cas. Donc, nous avons tous un jour croisé quelqu'un dans la rue qui nous a demandé du change. De la monnaie. Oui, de la monnaie. Pas du change. Changes. Oh, comme dans le script. Ouais. OK. Ben là, ici, vous allez tous savoir que l'équivalent de coconut est noix de coco. Yeah. Mais on essaye de dire notre coco. Oui, on a des mots en français, on les utilise. C'est ça. On les utilise. Ils sont là pour ça. Oh, pardon, je flippe mes pages. Gling, gling. Je tourne mes pages. Ouais, madame anglicisme, je flippe mes pages. Je dis jamais ça en plus, flipper quelque chose. Je ne dis jamais ça. Fun. Un matin, là. Bon, OK. En français, des fois, il y en a qui vont employer le mot décade pour dire une décennie. Une décennie. Ça, c'est en anglais. Ouais. Donc, on dit décennie. Mais les Français sont fous là-dessus. Hein. Ils disent des décades. Des fois, ils vont dire aussi. Ben, le mot décade existe, là. Oui, non, mais c'est mais ils il pas veut pour dire la une période de 10 jours. C'est ça. Ou. C'est quoi l'autre mot? Décadence. Décadence, c'est ça. Ça, je cherchais. Mais oui, 10 jours décadence. C'est ça. 10 ans. C'est une décadence. Ça me semble logique. Mm. OK. Demander une question. Poser une question. Oui. Parce que demander quelque. Ben, c'est un pléonasme, là. Redondant. Redondant. Mais est-ce que quelqu'un dit ça? Demande. Ben oui, il y a beaucoup de gens. Ben oui. Demande-lui une question. J'ai une question à te demander. Ben, peut-être pas dans cette phrase-là, mais tu sais, j'ai une question à te demander. J'ai une question à te poser ou j'ai quelque chose à te demander. Ça marche pas ou encore ça ne fonctionne pas parce que marche. Ouais. Des effets sonores. Ah, j'utilise ça souvent, moi, des effets sonores. Il y a pas assez. Ah, il y a un meilleur. Du bruitage. J'aime ça, moi. Effet sonore, c'est beau. Voyons donc. Guiling, guiling. Bruitage. Je suis pas content de ça. Ici, mon imprimante avait de la difficulté, fait que je vois plus mes mots. OK. Ta printer. Il a fallu que je change ma cartouche à 1h ce matin. D'accord. Parfait. Donc, faire du sens. Avoir du sens, hein? Oui. Ou être logique. Être logique. Donc, au lieu de dire ça fait du sens, make sense. C'est logique. Mais oui. On entend ça beaucoup trop souvent, hein, Angélie? Ben oui, tout le temps. Nous sommes rendus dans léger. Léger. Garder un œil sûr. Surveiller. Surveiller, avoir l'œil sûr ou avoir à l'œil. Ah, t'es une machine, mon gars. C'est quoi celui qui est pas bon? Garder un œil sûr. Garder un œil sûr. C'est vraiment. C'est copier-coller de l'anglais. C'est quand t'es traduit en anglais que tu comprends pourquoi les gens disent ça. Parce que je comprends pas à la base comment ces expressions-là commencent à être utilisées comme garder un œil sûr. Je comprends pas. Mais c'est vraiment. Ça vient de l'anglais, là. Mais les gens regardent les émissions en anglais puis le traduisent dans la tête puis disent ah, ben c'est ça le mot. Bizarre. Ça doit pas être aussi facile que ça, je te dirais, là. Ça doit être. Ça s'étale sur des années, je veux dire. Bizarre. C'est ça. On parle pas français depuis tout le début de l'histoire de l'humanité, hein. Sérieux. Je te le dis. Je te le dis. Bien. OK. Ceci, ça va être encore dans l'écriture d'un mot, le mot hasard. Comment vous écrivez ça? H-A-S-A-R-D. S-A-R-D. S-A-R-D? Ouais. S-A-R-D? Il y en a qui vont écrire avec un Z, mais qui veut dire un danger. C'est ça, hazard. C'est ça. D'où ça va hazard, là? Ouais. C'est quoi en français, d'où ça va hazard? Shérif, fais-moi peur, par la mauvaise traduction. Si bon, hein? En vrai, c'est shérif, fais-moi peur, d'où ça va hazard. En tout cas, bref. Ouais. Je t'en apprends une, elle est pas très intéressante, hein? Bon. OK. Être inconfortable avec quelque chose. Être inconfortable. C'est pas être inconfortable sur ta chaise, mais tu dis ah, je suis inconfortable avec ça, ouais, avec une situation. Je sais pas. Être mal à l'aise. Ah. Ou être gêné par quelque chose. Pas être gêné de part, mais avoir une gêne de quelque chose. Une situation mal à l'aisante. Mal à l'aisante, tout à fait. Oui, retenez pas celle-là. Mal à l'aisance. Non, je voyais dans mes. Quand je faisais ma collègue, c'est un fait ce matin, mais j'ai pas encore fait, mais je l'ai cherché. Il y avait un fait qui disait en français, il n'y a pas de mot équivalent pour awkward. Mais malaisant, est-ce que c'est un vrai mot? Parce que malaisant, pour moi, c'est un équivalent de awkward. Je sais pas. On lit tout le temps, mais. Je vais avoir la poche, mais j'ai. Normalement, j'aurais dit que oui, mais j'ai pas de dictionnaire à côté de moi. Faudrait vérifier ça. Mais moi, je. Moi, quand je suis pas sûre de quelque chose, je l'évite jusqu'à temps que j'ai la raison. Contrairement à la majorité des gens. Donc, j'évite de dire ça. Bravo. Ah. Jeter la serviette. Abandonner. Ouais. Abandonner la partie ou jeter l'éponge. Jeter l'éponge. C'est laid, hein? Jeter l'éponge, vous avez jamais entendu ça? Mais j'ai déjà entendu, mais je trouve que ça fait moins hot. Ouais. Moi, on dirait que j'ai entendu plus souvent jeter l'éponge que... C'était la serviette. La serviette, c'est vraiment... Ça prend plus de liquide, la serviette. Non, mais c'est comme dans la boxe. Ça dépend des sortes d'éponges. Les boxeurs font ça. Mais c'est ça, je trouve que ça avait plus sportif, tu sais, jeter la serviette. Jeter l'éponge, tu serais pas une éponge, nécessairement, quand tu fais quand tu vas jouer au football. C'est ça l'expression. Ben, si j'aime pas ça. Ben, c'est correct. Je veux dire abandonner. C'est abandonner. Excellent. Ici, c'est dans la formulation des dates. Il y en a qui vont beaucoup dire... Par exemple, on est quelle date aujourd'hui? Le 15, là? On est mercredi, donc mercredi le 15 février. C'est le mercredi. Le mercredi 15 février. Ça, c'est vraiment dur à retenir parce que les deux se ressemblent tellement que je me pose la question, je suis pas capable d'y répondre parce que je me rappelle pas c'est laquelle la réponse. Mais c'est ça, c'est le levier avant le jour. Oui. OK, donc le mercredi 15 février. Oui. Donc, je fais une chronique à la radio le mercredi 15 février. OK. C'est très dur. Merci, ça, je suis contente. Oui. De le savoir. Dans le fond, il faut se rappeler qu'il va pas entre les deux, il va avant. Oui. Pas entre les deux. C'est ça. Avant. Pas entre les deux. Pas entre les deux. Pas grave de retenir ça. Ouais. Ensuite, jusqu'à date. Jusqu'à maintenant, mettons. Ouais. Ouais. Jusqu'à maintenant, ou jusqu'à présent, ou jusqu'ici. Oui. Bon. Ça, c'est, j'ai toujours trouvé ça bizarre à l'oreille, jusqu'à date, pour ça l'est. Bon, on le dit tout le temps, ouais. Mais. Ça reste l'est. Ça reste l'est. Je trouve. Laissez-moi vous dire. Malaise. Okay, bon. Donc, nous vivons un mal à l'aise. Un mal à l'aise. On va remplacer ça par « Je vous assure que... » Il faut dire que « Croyez-moi ». C'était quoi la formule de départ? Ouais. Laissez-moi vous dire. Je vous assure que... Laissez-moi vous dire, ça se dit pas. On l'entend tellement souvent qu'on pense que c'est correct, sauf que... Non. À éviter. C'est « Let me tell you » en anglais. Si on veut bien parler, c'est ça. Ouais. Si on veut bien parler, on va essayer de l'éviter. Je pensais que c'était comme poli en plus, moi. T'sais, laissez-moi vous dire. Vois le monde. Ensuite, tu dis, je vous assure que. À qui de droit Ah oui. Ça a tellement rapport. OK. Une levée de fonds. Campagne de financement. Oh, bravo. Levée de fonds. Levée de fonds, c'est collecte de fonds. Collecte de fonds. Campagne de collecte de fonds. Téléthon. Oui. Opération enfant soleil. C'est ça. Parfait. Ensuite, le mot lumière employé en signalisation routière. Feu de signalisation. Ouais, feu. Juste feu? Feu. Feu, je dis feu. Mais non, feu, ça peut être... Mais par exemple, si tu dis je me suis arrêté à la lumière rouge, je me suis arrêté. Mais j'ai jamais entendu je me suis arrêté au luminaire. Au luminaire? Lumière. J'ai mal prononcé. J'ai entendu luminaire. Un lieu au luminaire dans ma machine. Il y a dit ça, il y a personne qui dit ça. Il me semblait aussi. Ah, c'est vraiment mon préféré. Ton préféré? Il est savoureux. Un mouton noir. Ah, c'est excellent, j'adore ça. TQS. Non. Essayez de trouver si quelqu'un le trouve. Je sais vraiment pas. Je sais pas ce que je fais, mais je vais être contente. Essayez. C'est avec le mot brebis. Ah, quoi? Brebis garu. Non, non. Ouais. Une brebis galeuse. Oh. Je l'ai utilisé l'autre fois juste par plaisir parce que je trouve ça. C'est la brebis galeuse de la famille. Ouais. C'est... Voyons. La non. Brebis galeuse. C'est non, celle-là, c'est... je l'adopterai pas. C'est excellent. Je jette l'éponge. Moi, je vous mets au défi d'essayer. Au moins une fois dans la semaine. Oui, puis que je sois là. Oui. Bon, voilà. Ben, c'est beaucoup d'ordre. Vas-y. Partir à son compte. Par exemple, tu finis un cours en quelque chose, tu dis « Ah, je pars à mon compte. » Devenir entrepreneur, non? Travailleur autonome. On va dire s'établir à son compte ou se lancer à son compte. Eh ben. Ou encore se mettre à son compte. Se mettre à son compte, j'ai un autre mot pour ça, mais... Se mettre bon. À son compte. Suivant. Passons. Okay. C'est quoi ces yeux-là? Non. Regarde-moi pas. Blague de masturbation. Aïe, regarde-moi pas. Aïe, aïe. Prendre un cours. Suivre un cours. Suivre un cours. Oui, bravo. Hey, j'ai presque fini. Ah, tu comptes des points. Ah, ben. Allez, elle compte juste les yeux. Ah, c'est ça. Elle arrêterait de répondre. Questionnable. Ah, ça, c'est questionnable. Je suis pas sûre. C'est dur, ça. Ouais. Discutable, contestable, douteux ou incertain. Ça a bien du sens. Voilà. Donc, on évite questionnable. D'accord. J'ai jamais vraiment entendu moi ça. Moi non plus, maintenant. Vraiment pas. Non. Salle à dîner. Salle à manger? Oui. Ah, trop. Cuisinette pour la place où on fait la nourriture. Oui. Table de cuisine dans mon cas. Parfait. Ouais. C'est pas la même pièce, là, en fait. Okay, non, c'est Angie, ça, deux pièces différentes. Ouais. Angie, tu vas l'aimer, celle-là. Parce qu'on le voit partout. On le voit-tu à bien des places, hein? Je te jure, siéger sur un comité. Oui! Oh. Partout, là. Prendre part. Mais je pense qu'on l'a déjà dit, mais je me souviens plus. On dit simplement siéger à un comité ouais. Ou faire partie d'un comité. Mm-hmm. C'est ça. Pas dire siéger sur. Tu peux pas t'asseoir dessus. Tu peux pas t'asseoir c'est sur ça. Le comité. Tu ne peux pas t'asseoir sur le comité. Sinon, ça serait pas mal plus le fun. Tu peux t'asseoir sur certains membres du comité. Un autre dans le genre du mouton noir que je vous mets au défi d'utiliser. Le terme smoke meat. Viande fumée. Bœuf mariné fumé. What? Bœuf mariné fumé. Mais donc, viande fumée, c'est pas bon? Viande fumée, mais c'est voyons bon. Donc. Oui, mais c'est peut-être trop ça. Général. Peut-être. Non, mais c'est, hein? Trop, c'est trop, d'après moi, traduit mot pour mot aussi. Mais le vrai terme serait du bœuf mariné fumé. Et ben c'est lait, en maudit. Mais sur certains restaurants, on voit dans leur vitrine smoke meat, mais smoke sans le D. Fait que c'est de la viande à fumer. C'est super. À côté des hot dogs. Oui, c'est vrai. C'est bon, les hot dogs. OK. Ouais. Tomber en amour ou être en amour avec. C'est deux différents, mais tu OK. Ouais. Tomber en amour, je sais pas. Il me semble que ça avait l'air beau comme ça. Ouais, c'est ça. Tomber amoureux. Ah. Ou être amoureux de, si on dit être en amour avec. OK. Ça me va. Eh bien, oui. Ça te va? T'es d'accord? Ouais, tu l'acceptes? Tu l'acceptes, parfait. Ensuite, la formulation, un bon 20 minutes, un bon 10 minutes, un bon 45 minutes. OK, trop long. Une soirée avec François-Olivier. Trop long. On va dire tout simplement 20 bonnes minutes ou 45 bonnes minutes. Une vingtaine de bonnes minutes. Ah, trop bon. Mais en tout cas, tu peux pas dire un bon quelque chose minute, là. OK. C'est ça. C'est simple. Parfait. Une recommandation a été faite. Ça, on l'entend peut-être moins souvent. Là. Ça va être dans un vocabulaire plus... Je le sais pas. Moi non plus. Une recommandation émane. Comment? Hey, man. H-E-Y, espace, M-A-N. Yo, dude. Émane, accent aigu, M-A-N-E. OK. Mais c'est un beau mot, ça, qu'on utilise peu. Ouais, mais moi, j'aime, je me disais justement que faudrait en profiter. Hein? Ce mot-là existe. Il n'y a pas grand, beaucoup de, d'opportunités d'utilisation. De Créza, créer les opportunités. Oui, voilà. C'est à toi de les créer. Ben oui. Hein? Vivre en campagne. À la campagne. Oui. À la campagne. Tiens. Donc, sûrement que François Landry nous écoute présentement. François, tu ne vis pas en campagne. Tu vis à la campagne. Voilà. C'est dit. Tout. J'ai fini, il n'y en a pas dans les autres lettres de l'alphabet. Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez retenu au moins une chose? Je suis contente. Brebis galeuse. Oui. OK, hey, yay! Vivre à la campagne. Oui. Ah, bon. Ouais. Mais si je peux vous avoir appris quelque chose, je vais être contente. C'était fine, Jasmine. Ça, c'était éducatif et plaisant en même temps. Parce que tes autres n'étaient pas très éducatifs. C'est pas ce que je dis. C'est vous qui les... Un compliment. Les éducationnés, là. Qui les... Non, c'est une blague. C'est vous qui les rendez plus éducatifs. Hein? Hey, hein, une chance que je te fais un compliment pour que tu puisses ensuite me piner, hein? Non, mais pour vrai, j'ai trouvé ça comme avant hier, puis je me suis dit que ça pourrait être utile. Comme avant hier, pour ça que ça se dit, mais bon. J'essayais de trouver une faille dans ton parloir. Dans mon parloir. Voilà. Jasmine Raymond-Drainville. Jasserine. Oui. C'est moi. C'est beau, hein? La semaine prochaine, mercredi, à 7h30 pour une autre chronique linguistique. Oui. C'est vrai? Oui. À chaque semaine, c'est les yeux en l'air. Hein? Non, c'est pas J'ai un cours de toute façon mercredi matin. Bon, fait qu'il y a une raison de plus de te lever. Mais oui. Bon. Tu restes avec nous pour la chronique d'Anne-Julie? Eh bien oui. Hey, ça va être cette belle intro rappée. Ouais, wow. Rappity rap. Est-ce que c'est l'heure de ma chanson? Oui, on s'en va entendre du Marie-Pierre Arthur. Ouais. Laquelle? J'aurais bien voulu mettre d'autres choses que quelque chose qui se retrouve. On est pas le palmarès, là, même si c'est pas cette chanson-là, mais je n'écoute que ça depuis la sortie de l'album. Mmh. Donc, la deuxième pièce de l'album, si tu savais. On écoute ça à Assemblage Rocky. Jusqu'à 9h au 89.5. Se regarder toute la journée, rien à faire d'autre qu'à s'aimer. Mon amour, endormi à moitié réveillé, de peur de trop nous manquer. Mon amour, manipuler la réalité pour mieux continuer de rêver. Mon amour, ne plus jamais se quitter, ça ne pouvait pas durer. J'aurais mieux fait de m'écouter, mais j'ai eu peur de m'avouer la vérité. Mon amour, c'est plus la peine, J'ai préféré me défiler. Mon amour, pardonne-moi si tu savais. Pour toi, j'aurais voulu changer. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. À quoi ressemblerait ma vie? Parce que je t'aime, j'oubliais tout ce que je suis. Pour toi, j'aurais voulu changer. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. À quoi ressemblerait ma vie? C'est parce que je t'aime, j'oubliais tout ce que je suis. Jasmine, son café goûte le savon. C'est triste, ça, par exemple. Oui. C'était Marie-Pierre Arthur avec la pièce « Si tu savais ». Si tu savais comment son café ne goûte pas bon. C'est, pour vrai, là, c'est la pire manière de partir un matin. Ouais. D'avoir une tasse comme... Je vous raconte pas. Parce qu'en fait, là, j'ai laissé mon café l'autre fois trop longtemps dans ma tasse. Puis le couvert, il y a comme eu un petit peu, mettons, de moisissure dedans, là. Et puis, j'ai full rincé, puis je l'ai vraiment fait tremper dans le savon. J'aurais super longtemps. Jeté la tasse, moi, tout de suite. Mais non, je fais pas ça. Moi, ça m'arrive tout le temps aussi de oublier de laver mes affaires. Mais c'est ça, puis là, finalement, c'était vraiment ma tasse, parce que j'en ai plusieurs. J'ai une tasse, une armoire au complet. Ouais. Puis finalement, c'est ça, je l'ai tellement lavé qu'elle sent le savon, c'est comme incrusté dans mon plastique, là. C'est décevant, je veux mon café. Pauvre toi. On arrête de parler mon café? Okay. On revient dans quelques minutes avec la chronique sur la GQT avec Anne-Julie Durocher. Et puis pour l'instant, ben on prend une petite pause. Hein? On reste là. On bouge pas. Non. François, tu bouges ton crayon. Ouais, c'est assez fou pour l'écouter. 89.1 Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 15 février. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Et Jasmine Raymond-Lévesque est toujours là. Ouais. Et puis, Je pense que... Non, coéquipier. Non, je cherchais pas ton nom. Je cherchais comment introduire le fait qu'on va aller se casser les oreilles avec ton intro de chronique. Oh. OK. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Je suis pas sûr de vouloir vraiment la faire jouer pour vrai. Mathieu qui rappe. Ouais, on en refait une autre, c'est pas bonne. OK, en tout cas. Ou bon. Pas. Ou pire. C'est la chronique de l'AGUQTR avec Anne-Julie Durocher. AGUQTR, c'est la place qui défend des affaires. Si tu veux pas te mêler de tes affaires, pour que tu ailles à l'AGUQTR. AGUQTR, AGUQTR. Peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGUQTR. Parce que l'AGUQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro. Hey, hein? Hey, hein? Je suis comme essoufflé. Ouais, hein? C'est un peu long, hein? Ouais. Non, mon Dieu. J'ai si chaud, là. Gênant! Ouais. En tout cas, on va repasser. Oh boy. Hein? On parle de quoi, là? As-tu me fait ça un rapin aussi, ou... Hein? Un rap? Ouais, non, un non. Rap de tout ça? Non, je joue, ouais, c'est ça. Hey. Ça te déraille-tu, ça, oui. Une chronique sérieuse? Oui, oui, je suis comme déstabilisé. On n'en reviendra jamais, je pense. Non, peut-être pas. Hey, écoute, on parle de... C'est quoi? On va parler de la Assemblée générale spéciale. On va essayer d'avoir long. Moins chaud un peu. C'est long. Donc, oui, on va faire un retour sur l'Assemblée générale spéciale qui a eu lieu la semaine dernière. Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? On a discuté des statuts et règlements généraux, comme je vous avais parlé. On proposait deux changements. Donc, un où on abolissait le poste de vice-président aux communications. Ça n'a pas passé. Ce qui n'a pas passé. Donc, on a quand même fait des changements au statut règlement, donc sur les postes des officiers, donc les membres du conseil exécutif de l'AGE. On a fait quelques changements là, pour mettre ça plus à jour puis rendre ça un peu plus fonctionnel dans la réalité des tâches que les officiers ont okay. à faire. Mais les gens votaient sur le fait que vous alliez changer les choses et non pas sur qu'est-ce que vous alliez changer point par point. C'était vraiment un package deal. Si tu disais oui à ça, c'est vous qui vous occupez de comment ça va s'arranger. Alors, en fait, ils pouvaient faire des amendements, donc apporter des modifications. Ouais, c'est ça. S'il y avait un point qui n'était pas d'accord, ils pouvaient dire non, celui-là. C'était public au complet, tout ça. Oui, oui, okay. c'est ça. Donc, ils n'étaient pas obligés d'adopter en bloc. Mm-hmm. Il y a eu quelques petits amendements, mais plus sur des structures de phrases que sur le contenu. OK. Donc, c'est ça. Donc, on reste avec un vice-président aux communications pour l'année prochaine. Puis, mais ça fait du bien, là. Ça faisait quelques années qu'on essayait de faire des changements sur les tâches des officiers parce qu'on veut pas, ça évolue avec le temps, là, la réalité. Ouais. Puis, donc, chose qui est pas facile aussi à faire, changer les statuts et règlements généraux. C'est quand même. Ben, c'est quand même comme ardu. C'est pas un travail qui est facile, puis c'est pas super intéressant non plus pour la majorité du monde. Là. Jasmine, elle adore ça, mais. C'est moi, je tripe sur les procédures, là, sauf que c'est pas. C'est sûr que. Tu sais, moi, il y a plein de gens qui m'ont texté la semaine passée pour me dire, premièrement, c'est quand le vote de grève, là? Il n'y a pas eu de vote de grève, là. Puis, deuxièmement, ça parle de quoi aujourd'hui? Puis, je leur disais juste, il y a des changements, c'est important, vas-y, parce que si j'avais eu le malheur de nommer statut et règlement, changement, il n'y a personne qui serait allé, c'est sûr. Non, c'est ça, c'est pas comme l'affaire c'est la plus passionnant. Folle. Ouais. Mais là, il y a une chose qui est ressortie là-dessus. Oui. C'est, ils ont, en fait, il y a des gens, ben, ça a été. Ben, on avait un point sur. Là, tu veux parler de quoi? Ben, vas-y. Hein? Ben, je vais essayer d'y aller. c'est ça, on a parlé de grève, là. Oui, on a parlé de grève. Donc, il y avait un point qui portait sur le. Un point à l'ordre du jour qui portait sur le mouvement étudiant. Donc, les étudiants sont venus s'exprimer, en fait, sur qu'est-ce qu'ils attendaient. Donc, il y a eu une proposition de tenir une assemblée générale spéciale ayant comme seul point la tenue d'une journée de grève. C'est parce que vous n'avez pas l'air de parler de cette journée-là, vu qu'il y avait eu une levée de cours, quelque chose du genre. Ben, en fait, pour tenir une assemblée générale de grève... Faut que ça soit le seul point. OK. Oui, c'est dans le seul. Donc, faut que ça soit le seul point. Et il y a deux manières, en fait, de tenir une assemblée générale de grève. Donc, soit que c'est demandé en assemblée générale, comme ce qui a été fait la semaine dernière. Donc, des étudiants sont venus demander la tenue d'une assemblée générale de grève. Il y a eu un vote là-dessus. Ça a passé. Donc, on va tenir une assemblée générale de grève. Ça, est-ce qu'on a une date, là? La date n'est pas fixée encore. On va la fixer vendredi. Donc, au courant de la semaine prochaine, elle va vous être communiquée. Je vais vous revenir, c'est sûr, là-dessus la semaine prochaine. Puis, sinon, l'autre moyen, c'est que 100 étudiants signent une feuille. Okay. Donc, il va y avoir le secrétaire général, il demande la feuille. Il y a quand même une feuille. Est-ce qu'il y en a une? S'il y en a une. Une feuille? Ou est-ce que les étudiants peuvent aller signer? Ben, là, il y a déjà la tenue d'une nationale. Ouais, non, grève, non, ouais, j'avoue. C'est comme pas nécessaire. C'est redondant un peu. Mais mettons, Jasmine ou n'importe qui voudrait tenir une assemblée de grève. Pourrait aller voir. Ouais, c'est ça. Et là, il n'y aurait pas de levée de cours. Non, c'est ça. Parce que vous avez droit à deux par année, quelque chose. On a le droit à deux par année, puis il faut pas qu'il soit question de grève. OK, non, pendant c'est ceux-là. C'est une règle. D'accord. C'est une règle. Ah. Fait que, donc, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, je vais vous communiquer la date, puis vous allez voir. Là. On va s'assurer que tous les étudiants soient très bien informés de quand aura lieu cette assemblée générale-là. Puis c'est important de préciser que cette assemblée générale-là, c'est pour la tenue d'une seule journée de grève le 22 mars. OK. Donc, ouais, c'est pas une grève générale illimitée. Ouais, c'est ça. Donc, on sait qu'il y a plusieurs universités cégep qui rentrent en grève générale illimitée. Donc, soit qui ont déjà commencé ou que ça va venir dans les prochains jours, mais c'est pas ce qui est présentement question à l'UQTR, là. OK. Faut pas que personne parte en panique, non, là. Son... On parle pas de ça, on parle d'une journée de grève 22 mars. Pourquoi 22 mars? Manifestation nationale ouais, à Montréal. Tout le monde, c'est ça, tout le monde va se ramasser là. C'est ça. Un peu comme il y a eu à l'automne, je crois que c'était le 10 novembre, 9 novembre, là. 10 novembre, c'est ça. Demain, selon Jasmine. Demain. Donc, 10 novembre, il y a eu une manifestation, donc on en refait une autre à l'hiver. Puis, c'est ça, toujours dans le but là, de avec la question de la hausse des frais de scolarité. C'est en plein ça. Chose que tu vas nous parler la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, je vais vous faire une chronique vraiment très sérieuse. Fait qu'on n'aura peut-être pas le thème la semaine prochaine. Bon, d'accord. Mais, ah non! Est-ce que je peux me permettre... Si tu veux parler peut-être de ce que le VP externe a fait hier. Ben, je vais. Ok, t'allais revenir. Ouais. Okay, parce que c'est vraiment. Mais en fait, cool. C'est des étudiants. Ben, comité de mobilisation, probablement. Non, des étudiants. Pas officiellement. Okay, excuse-moi. Oups. Des étudiants. Officiellement, la GE n'a pas de position sur les frais de scolarité, oui. Malgré non, la page Facebook. Non, les étudiants. Oui. Non, la GE a une oui. position. Ah, ok, pour vrai. Oui. Ok. Oui. D'accord. Donc. Eh ben. Oh, c'est quoi ce regard-là? Des aussi choses qui vont se discuter plus tard. La semaine dernière, il y avait aussi Question pour un champion. Question pour un champion qui a très bien fonctionné, j'ai entendu dire, par M. Simon Fitzbé, parce que tu vas le nommer plus tard. Là. Mais il était absolument ravi. Oui. De cette activité-là et aimerait que ça recommence une fois à chaque session. Ben oui, ben je suis contente d'entendre ça. En effet... Mais là, je dois pas être la seule qui te l'a dit. Là. Non, c'est ça. Les étudiants, après, sont venus me voir, m'ont dit que ça serait vraiment le fun, que ce soit une activité qui revienne au moins deux fois par année puis qu'il y ait comme une mini-ligue qui s'organise entre les associations. Un peu génie en herbe, là, comme on a au secondaire. Dans un milieu universitaire, ça a bien du sens, comme Simon disait, hein, d'avoir quelque chose comme ça qui est sérieux et... C'est éducatif et etc. Ben c'est ça, là, c'est un peu pour ça qu'on est allé à l'université pour apprendre. Exact. Donc, c'est pas juste pour boire. Mm-hmm. Hein? Comme certains pensent des fois. Ouais. Des fois, il y a des choses sérieuses. Même souvent. Tenez-vous au courant. Une fois par session. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, là, il y a eu ça. Ça a vraiment été une belle soirée. Il y avait environ 100 étudiants qui étaient présents à Chazé-Allerie. Donc, c'était super intéressant. Je rappelle que l'activité était faite en collaboration avec le CIIU. Comité d'intégration... d'intégration internationale universitaire. Exactement. Oui. J'espère, parce que je me suis fait chicaner la semaine dernière vu que je l'ai raté. Fait que j'espère que cette semaine, je l'ai bien retenu. Donc, c'est ça, c'était animé par Simon Fitzbé, qui anime aussi à la radio, et Mathieu Roy, qui anime la Luître le lundi soir. Puis les gagnants, et je rappelle que cette activité-là faisait partie de la Coupe des Assos. Ouais, donc, c'est ça, ça donnait des points. Là. C'est en plein ça. Donc, en troisième place, Charles Papillon de... Félicitations! Oui, on m'applaudit. Oh. Si, de mathématiques et informatiques. En deuxième place, Alexandre Jeté-Léger d'enseignement secondaire. Et en première place, Raphaël Turbide d'histoire. Oui! Donc... Félicitations à nos gagnants. Bravo. Présentement, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? C'est au cours des prochains jours. Ce soir. À partir de 22h. C'est en plein ça. Au 10-12. Oui. Pavillon de Rébauchemin. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tricheur, regarde ce que t'as fait. L'amour, c'est tellement 1980. Oui. Donc, on s'habille dans les années 80. Es-tu venu? Hein? Si je vais être là. Non, c'était tanné. Si je t'en ai, oui, je suis née dans les années 80. Oh, OK. OK? Donc... Mathieu Plante des années 70. Aïe, 83, ça. Donc, c'est ça. Puis, il va y avoir autant de la musique d'aujourd'hui, mais aussi de la musique des années 80, bien sûr, pour aller avec notre thème. Puis, on redécore aussi le 10-12. Oh, ouais. Avec des cupidons partout. Vous allez voir, vous avez juste à être présent. Ouais. Hein? Ou sinon, passer l'après-midi puis regarder. Ouais. Bon. Mais c'est bien plus fun de donner au party. Ben oui. Beaucoup plus agréable. Donc, c'est ça. Ça, évidemment, c'est gratuit pour les étudiants. Bien entendu, gratuit pour les étudiants. Et qui sont donc fins, là. Ben oui. Ça va être une belle soirée. Les barmen. C'est quoi barmen en français, Jasmine? T'es-tu capable de nous les dire ça? Non, barmen. Ceux qui sont derrière le bar. Non, barmen. Barmen? Derrière le bar. Serveur de boissons, je te dirais, là. OK. Donc, les serveurs de boissons vont être habillés années 80 et tout le monde a bien hâte d'être présent et de vous accueillir. Les bars hommes et les bars femmes. Oui, c'est ça. ensuite, c'est la exactement ça. Sûrement. Ben oui. La semaine prochaine, mercredi prochain, 22 février. Le jeudi 22 février. Thursday, hein? February 22nd. Oui, je l'ai bien dit, hein, Jasmine? Ah, la Chasse-Galerie. Oui. Parfait. T'as bien retenu ta leçon. Hein? Eh ben. Donc, à la Chasse-Galerie, 19h, concours de danse qui s'appelle Soirée dansante. Danse avec un S. Oui. T-E. C'est ça. Fait que, où François-Olivier va nous venir nous montrer ses Non, mais attends un peu, là. Je suis en train de lire sur ta feuille. Puis, vous pensez savoir danser? Et là, je réponds non. Venez montrer vos talents lors de la soirée dansante de la GE qui était. J'en ai pas de talent, donc est-ce qu'il faut que j'aille montrer ça quand même? Oui. Non. Oui, pas le choix. Donc, c'est ça. Donc, il s'agit d'un concours de danse. À la So You Think You Can Dance? Non. So You Think. Ça commençait par Tu Penses You Cannot Dance. Ouais. Ben, si on veut, on espère avoir des talents aussi bons. Oui. Mais même si ils sont pas aussi bons, venez. On va vous accueillir quand même. C'est gênant, là. Ben, c'est toi qui es comme gêné dans la vie, là. Oh, hein? Danser, t'as Ben, il y a déjà des inscriptions. Fait qu'il y a du monde à l'université qui sont pas aussi comme peu que toi. Non, je comprends, mais tu sais, il y a des personnes à l'université aussi qui suivent des cours de danse depuis des années, là. Ben, ouais. Ben, j'aurais dû faire ça, t'aurais dû m'appeler, là, 4 ans. Ben, je te connaissais pour pas. Pour me dire, prends-toi des cours. Ben, hein. En tout cas, il est un peu tard. Ouais, fait que c'est J'ai mal dans les bras. arrête, là. Va voir le chiro, là. On a le service à l'université, puis après ça, tu vas être en pleine forme, puis tu vas pouvoir venir danser. Wow. Hein? Je vais danser avec François Landry. Peut-être. Si et seulement si. Ouais, mais en tout cas, tu m'as dit, ma première chronique, que tu viendrais danser pour la soirée dansante. J'aimerais ça que tu me sortes l'extrait. On va s'arranger pour faire ça. On va même le mettre sur une petite musique, si tu veux. Donc, c'est ça, c'est dans la Coupe des associations. Le numéro de danse peut être présenté en solo ou avec une troupe de danse, là, mais juste faire attention parce que c'est à la chasse-galerie. L'espace donc, c'est quand même restreint, ouais. C'est ça, exactement. Ça. Donc, et on peut n'importe quel style de danse, j'imagine. Oui, on n'est pas difficile. Du crunk, je pense. Du crunk, c'est quoi ça? Oui, c'est ils font. Ouais. Je sais c'est quoi, mais. C'est quoi? Je suis pas capable de l'expliquer. C'est quoi? Ben, tu revois puis tu nous feras quelque chose comme ça. Du crunk? Mais oui, ouais. C'est quoi? C'est du crunk? Ouais. Ah, je sais pas c'est quoi. C-R-U-N-C-K. Tu vas voir. Je sais pas c'est quoi. Donc, c'est à peu près ça. Ensuite, vous pouvez arriver déguisé, maquillé. Faites-nous un bon show, là. Oui. Puis le numéro de danse peut durer entre 1 minute 30 et 7 minutes. Puis, 7 minutes, ça, c'est 7 long jeu. Mais non, mais c'est parce que je dois dire qu'il y en a que je sais qui font des numéros de baladie. OK. Puis, tu sais, c'est comme pas de la musique standard. Ben. Mm-hmm. C'est de la musique, mais en tout cas... Vous êtes tous des anormaux, si vous aimez le baladie. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, fait que, je savais pas combien de temps ça durait, mais je voulais comme pas trop limiter, puis ça coupe. Puis le monde s'installe, faut que t'installes quand même ta chanson. Ouais, c'est ça. Si t'as des déguisements... C'est ça. Puis les participants doivent arriver à 18h30 pour que je leur explique tout le déroulement, leur dire quand ils vont arriver. Puis faut qu'ils m'envoient leur musique, ainsi que le nom des participants et leur association, le nombre de personnes, ainsi de suite. Toutes les associations ont reçu toutes les informations. Donc, si vous avez des questions, allez voir votre association. Ah, okay. Donc, si on veut participer, il faut t'envoyer ça. Oui, il faut m'envoyer comme certaines informations. Mais toi, François... déjà, elle va te remplir ta feuille. Tout est noté. Elle décide ta chanson et tout. Donc, vous m'envoyez ça à mon adresse courriel. vpsociaux.age@uqtr.ca. Hey, on l'a eu cette semaine. Oui, bravo. Et ça, c'est avant quelle date? Fais juste le rappeler. Avant quelle date? Avant le 21 février. OK. Midi. Parfait. Vous avez jusqu'à midi pour m'envoyer votre chanson sur un CD. Sur un CD? Sur non un pas un MP3 qu'on t'envoie par courriel. Non, parce que là, si ça marche pas, ça va poser problème. Ouais, ou si c'est pas la bonne chanson. Puis pas de clé USB, parce que si on la perd, puis qu'il y a vos travaux dessus, ben ça va être. Angie va toutes les refaire. Votre problème. Non. Sauf si c'est du dessin, ça me dérange pas, mais je suis pas très bonne. Ah! Mais j'aime ça dessiner. C'est comme bonheur et ensuite déception. Ouais, c'est ça. Oh. Ensuite, pour reparler de ce qui s'est passé hier sur le campus. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, certains l'ont peut-être vu ou ont vu des images circuler sur Facebook. Il y avait du rouge sur le campus, décoré rouge. Oui, c'est! J'en vois un sur toi en ce moment. Oui, j'en ai un sur moi. Il croche un peu. Ouais. C'est ça. OK, là, il gagne. OK. Donc. Tu regardes les deux rouges de place. Le carré rouge. C'est quand j'ai la chance. Ouais, c'est ça. T'as fait ça aussi la semaine dernière. Moi, je suis pas des en tout cas, je la regardais d'ailleurs quand j'ai dit ça, mais elle me regarde pas. Ouais, t'es un peu bizarre. Elle avait un chandail, c'était marqué quelque chose dessus, fait que j'ai dit, pour une fois, je peux regarder tes seins. C'est bien drôle. C'est ça. En tout cas, bref, plus sérieusement, carré rouge. Oui, carré rouge. Vous vous demandez tous, qu'est-ce que le carré rouge? Mm-hmm. Donc, le carré rouge, c'est... c'est le symbole de la lutte étudiante de 2005. C'est en plein ça. Donc, c'est un peu comme le ruban rouge ou le ruban rose le là, pour le sida et le ruban rose pour le cancer du sein. Donc, le journée vert pour les soyons compères aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Nous autres, ce qui nous intéresse, c'est le carré rouge. Mm-hmm. Donc, le carré rouge, c'est pour représenter la lutte étudiante, dans le fond. Pourquoi la couleur rouge? Pourquoi rouge? L'endettement, c'est bon. Ouais, c'est ça, moi, ça doit être... Là, j'ai pas exactement la définition de pourquoi rouge. C'est dans le rouge. Puis pourquoi un carré? Là, toi, t'as des drôles de questions ce matin. Donc... pourquoi un épingle? On va se faire dire qu'on n'est pas assez sérieux dans son sujet sérieux, François. Non, OK, sujet sérieux. Focus. Non, mais c'était juste une question. C'est ça. Donc, depuis 2005, c'est le symbole. Mais là, ça fait comme 5 fois que je le dis que c'est le symbole. Symbole, depuis 2005. Donc... est-ce qu'à l'AGE, vous le donnez? Oui, on le donne à l'AGE. OK, forme d'âme. Non, mais ça coûte cher de feutre. Ça coûte cher de feutre. Le feutre est à bas prix quand même. Mais c'est quand même pas super. Je trouve que c'est un beau symbole qui se porte facilement. Mettez-le sur votre manteau, sur votre coffre à crayons. N'importe quoi. Ouais, n'importe quoi, là, puis je veux dire... Votre hoodie. Votre hoodie. Ah, j'ai compris. C'est en anglais, ça. Hoodie. Excuse-moi, capuchon, col, kangourou. Veste à capuchon, mettons. Voilà. Un coton ouaté. Donc, c'est ça. Portez-le fièrement. Donc, c'est le. On est encore pris avec un problème de hausse des frais de scolarité. Ouais. Donc, c'est notre symbole pour dire, affirmer qu'on est contre cette hausse-là. Puis, ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est que ça fait jaser le monde. Là. Le monde te demande, comme, pourquoi t'as ça? Mmh. Il y avait du monde hier qui pensait que c'était comme pour la Saint-Valentin. Ah, ben j'avoue, hein, drôle de timing. Oui, il disait, ah, oh, vous donnez ça à la GE, c'est pour la Saint-Valentin? Mais non. Puis il est pas en forme de cœur, fait que. Oui, c'est ça. Mm. Fait, donc ça permet de jaser, puis ça permet de jaser avec le monde de leur opinion, savoir s'ils sont pour ou contre la hausse des frais de scolarité. Donc c'est intéressant. Puis c'est ça, donc hier, il y a des étudiants qui sont venus sur le campus et qui ont fait plein de carrés rouges partout. Par terre, dans la neige? Dans la neige, avec. De je sais pas quoi pour que. Du jus de canneberge, sûrement pour. Ouais, sûrement du jus de canneberge. Du ketchup. Ils ont fait des carrés rouges et c'était pour dire que justement le gouvernement libéral saignait les étudiants, puis que les étudiants de l'UQTR s'opposaient à cette hausse des frais de scolarité qui va avoir lieu à l'automne 2012. Mm-hmm. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient vite, pour vrai. Ouais, vas-y. Puis c'est pour ça que la. Mais il est pas trop tard. Est-ce qu'il est trop tard? Ben non. Non? Ben non, il est jamais trop. Il est pas trop tard, là. OK. Et jamais trop tard jusqu'à temps qu'elle ouais, soit faite. Jusqu'à temps qu'on soit en automne 2012, mais présentement, je veux dire, toute action va mener quelque part. Mm-hmm. Toute action est importante présentement. Puis c'est pour ça qu'il faut se mobiliser puis se tenir au courant aussi. Il faut comprendre comment ça marche. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Puis les officiers de la GE, gênez-vous pas de rentrer dans nos bureaux. Venez nous poser des questions, que vous soyez pour ou contre la hausse des frais de scolarité. Je veux dire, nous, on est là pour vous écouter. Puis on est là. Mais vous êtes là pour eux autres. Mais c'est ça, on est là pour vous autres. Puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Vous n'êtes pas sûr de comprendre qu'est-ce que cette hausse représente. Ça va nous faire plaisir de vous l'expliquer. On a plein de documents là-dessus. Puis on est capable, je pense, de bien le vulgariser pour que ce soit simple. Parce qu'on s'entend que c'est des chiffres et que c'est pas nécessairement ce qui est le plus intéressant et le plus facile à comprendre. Ouais. Ce que je vais essayer de faire la semaine prochaine, de vous expliquer ça de façon okay. agréable. Parfait. Fantastique. Est-ce que vous avez toujours un kiosque dans l'autre pavillon? Là? Dans cafétéria? Oui. Ouais. Ou dans le coin? Oui, on fait des kiosques une fois par deux semaines. OK. On a des kiosques aussi. Et là, les étudiants vont pouvoir quand même se procurer le petit carré rouge. Oui, aussi. Il n'y aura pas de problème pour venir procurer là. Ou sinon, venez des bureaux de la GE, on en a. Ou au 2218 Albert-Tessier aussi. Qui est votre pièce normale. Oui, c'est un comptoir de service. D'accord, parfait. Fantastique. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci. C'est tout? Ben oui, c'est tout. Angélie Durocher de la GEQTR, on la remercie. Comme toujours, vpsociaux.age.aqtr.ca. C'est en disant plusieurs fois bravo. Qu'on se rappelle. Ouais. C'est, ouais. Et comme la semaine prochaine, tu vas être très, très sérieuse et que tu dis qu'on jouera peut-être pas ton intro fané, on va se quitter avec ça, tu sais. AGEQTR, c'est la place qui nous forme des affaires. Si tu veux pas te mêler de tes affaires, à la GEQTR. AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEQTR parce que la GEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. Wow. C'est un classique instantané, cette affaire. Ouais. C'était un classique. C'est ça. Voici Mélodie Mécanique. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Toujours avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Jasmine Raymond-Réville et Anne-Julie Durocher sont toujours avec nous. Il y en a une qui va être en retard à son cours. Oh, c'est vrai, elle peut s'en aller quand elle veut. C'est Elle a un oral en plus. Moi, ça, elle travaille là-dessus, je pense. Ça. Mm. L'affaire avec l'imprimante. C'est qui Gutenberg. Steve Gutenberg était dans quelques films. C'est un acteur connu. Ça. C'est non. Non, c'est pas lui qui a inventé l'imprimante. Non. Ben, Gutenberg, oui, mais Steve, je sais pas quoi, je sais pas ce qui. Les deux font l'affaire. Il est pas connu. Steve, qu'il faut dire. C'est Steve. Bon. C'est la chronique, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Je sais qu'Anne-Julie aime bien se partager des faits comme ça avec moi. Et en plus, aujourd'hui, c'est un quickie edition, donc que des faits en rafale, super... J'aime ça! Flip, flop, flap, jack. Dans les années 60... Moi, je sais pas, Steve. Gutenberg. Steve, il faut dire. Steve! Faut tirer la bouche. Bon, faut être sérieux. Dans les années 70, saviez-vous que Mattel vendait une poupée qui s'appelait Growing Up Skipper et ses seins poussaient quand tu faisais tourner son bras? Soit son bras, comme je fais en ce moment, et la poitrine de grossir. Un peu comme moi en ce moment parce que j'ai pris du poids. Voilà, c'est le fun. Merci pour ce fait. Ouais, écoute, deux faits en un, ouais. Sur moi puis un sur Bob. Mr. Potato Head, Monsieur Patate, okay? Mm-hmm. Au départ, c'était pas une patate en plastique. Non, c'était plutôt un ensemble, un kit, okay? De différentes parties de bouche, mettons, de nez, etc., que tu devais planter sur une vraie pitate. Oh! Ouais! Vrai c'est patate. Poink, poink, poink. Mais je suis sûr que tu peux utiliser les morceaux comme qu'on a présentement pour faire ça aussi. Sûrement, il va falloir peser plus fort peut-être. Ouais. C'est pas des bouts coupants, c'est des bouts ronds parce que les enfants pourraient se blesser. Ça. Ouais. T'sais? Ouais, mais c'est tellement petit en même temps. Que... C'est ça. Mais c'est peux prendre une patate un peu pourrie, plus molle. Miam, hein? Miam. OK, donc mettre du porc salé dans ton nez, c'était un traitement commun lorsqu'on saignait du nez dans le temps. Du porc salé? Du porc salé dégueu. Dans ton nez. C'est le fun? Ça me donne envie de me mettre du porc salé dans le nez. Ça. Du bacon, c'est du porc salé, ça. Hein? En 2010... Ça ou des carottes. Ça ou des carottes. Hein? Bon. Ça va peut-être empirer dans ce cas-ci. Je sais pas. En 2010, la compagnie Sweethearts a ajouté des bonbons Tweet Me pour la Saint-Valentin. C'est des petits, c'est des petits bonbons en forme de cœur, genre I love you, ouais, etc. Pas très bon, là. C'est ça. Il y avait un Tweet bon, Me. Ça. Tweet? Tweet Me, comme Twitter. Tweet-moi. Ouais. C'est cute. En quelle année? En 2010. OK. Donc, ça doit exister encore en 2012. Ah, oh, c'est cool. Procurer des bonbons Tweet Me. C'est joli. La chanson de la campagne de Saddam Hussein en 2002, c'était une version arabe de I Will Always Love You de Whitney Houston. Oui. Oh non! Ouais. Saddam Hussein, 2002. Je suis pas sûr que j'aime cette nouvelle. Ça l'a tué. Ça l'a tué. En Belgique. Ça les a tués. Ça les a... Oh. Ouais. Oh. Ah, ouais. devinez le pays qui exporte le plus de tapis. C'est quoi le pays qui exporte l'Inde, le plus? L'Inde? Non. Ça a du sens? Non. C'est la Belgique. Oh, ouais. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. La Belgique exporte beaucoup de tapis. Nous, on a la reine du tapis. La reine du tapis. Au Cap de la Madeleine. Plus bas prix, okay. C'est garanti. J'ai un bas d'ici, c'est pour ça que je le sais pas. Ensuite, Pinocchio. C'est de l'italien, Pinocchio. Ça veut dire tête de pain. C'est pain l'arbre. Oh. Tête de pain. Puis non, je pense qu'il faut dire Pinocchio, je pense. Moi, ouais, quelque chose comme Pinocchio, ça. Pinocchio, en tout cas. Bref. Le requin. Le requin est le seul poisson qui peut cligner des deux yeux en même temps. Ben, pas en même temps, mais en tout cas, qui peut cligner des deux yeux. Je savais celle-là. Ça donne quoi, cligner des yeux pour un poisson? Ça peut ça, pas être pour, pas. pour humecter ses yeux, je pense qu'il est assez humecté. Mais demain, ça doit être pour. Se protéger, peut-être enlever. Enlever l'eau? Non, ça n'a aucun sens. Pour, crime, pour creuser, c'est bon. Ouais, faire un clin d'œil. Ben oui. Saviez-vous que le Coca-Cola à la base était vert? Arrgh. Ah, dégueulasse. Saviez-vous qu'un homme. Mais attends, il a été commercialisé vert? Ça, je sais pas. C'était vert à la base, c'est ce que j'ai vu. Où ils mettent genre du colorant dedans. Ah. En tout cas, j'aimerais que tu nous reviennes avec cet effet-là. Comme le cheese whiz qui est gris. Ouais. Gris, c'est dégueulasse. Un homme qui s'appelle Ed Peterson est l'inventeur de l'œuf McMuffin. Ed Peterson. Peterson. Faut retenir ça, Ed Peterson. C'est bon à savoir. Tu te rappelles, vous vous rappelez, vous êtes deux, dans Punch Out, le jeu de Mike Tyson sur la, sur la NES, là, au départ. Oui, je me souviens, moi, ce jeu-là, tu sais. Ben oui, c'est pas la fin. Il y avait un personnage russe, OK? Il s'appelait Soda Popinski. Je sais pas si... Le nom... Mais à la base, son nom, c'était vraiment Vodka Drunkinski. Ah oh, ouais, vrai? Vodka et Drunk pour Soda Pop. Et ben. Frédéric Arthur est un des noms les plus connus dans l'histoire du hockey professionnel. Frédéric Arthur. Dites-moi pourquoi. Mais c'est qui? C'est qui ça? C'est le Lord Stanley derrière la Coupe Stanley. Son vrai nom, c'est Frédéric Arthur Stanley. La chanson Over the Rainbow, tu sais. Somewhere over the rainbow. J'ai acheté ce film-là dans le temps des fêtes, genre la vieille. Là. Le Magicien d'Oz. Ouais, le Magicien d'Oz, ouais. La vieille édition. J'étais vraiment contente. J'ai écouté en rafale plein de fois dans le temps des fêtes. Cœur de lion, c'est ça? Oui. Donc, on n'a presque pas eu la chance d'entendre cette chanson-là dans Le Magicien d'Oz parce que l'écrivain, en tout cas la personne qui a composé cette chanson-là, les paroles et la musique, Harold Arlen, a supplié pour qu'on inclue cette chanson-là dans le film. À la base, c'était pas supposé y avoir cette chanson-là. Mais elle sort au complet, me semble. Exactement, à cause de Harold Arlen. Voilà. J'aime bien avec la prononciation de son nom, lui, là. Même si l'Antarctique est très, très froide, on sait tous, l'Antarctique, c'est froid. Il n'y a pas que de la neige et de la glace, non. Il y a environ 1200 000 carrés, des 1000 carrés, la mesure, les 1000, là, 1200 000 carrés, du continent qui sont des vallées sèches. Dans le fond, il y a des montagnes et des endroits comme ça, des creux, où la précipitation ne se rend pas en Antarctique. 1200 000 carrés. Eh bien, quand même. Les scènes de douche dans le classique d'Alfred Hitchcock, Psycho, Psychose en français, si je m'en souviens bien, est composé de plus de 90 différents plans qui ont été pris ou filmés à partir de 70 caméras différentes. Ça a pris à Hitchcock et son équipe une semaine complète pour filmer cette scène-là de la douche, la plus classique. Et le film au complet, le reste, dans le fond, a pris 6 semaines. Mon Dieu. T'sais? J'ai jamais vu ce film-là. Non? La scène de la douche? Ben, je veux dire, je sais c'est quoi, là, mais jamais vu. Voilà. Moi non plus, j'ai jamais vu le film au complet. On avoue nos torts ici. Mmh. Ça manque à notre culture. Oui. Ouais, c'est ça. Voilà pour la collègue, c'est un fait Quickie Edition. Merci, Matt. Pas grand-chose de super intéressant là-dedans, mais quand même. Pas si pire. Ça aurait pu être pire. C'est intéressant. Moi, j'aime ça. C'est souvent pire que ça. Oui, merci. Ouais. On écoute du cœur de pirate et puis on revient avec le poste d'écoute rapide sur Band of Scores. C'est assemblage requis jusqu'à 9h. Il est 8h36. Quick. Petit. Plutôt. Dans la douche. Ouais. D'un œil solitaire, le pied dans l'arène pour te plaire et briller au regard que j'ignorais. Mais tiens, comptais plus que les autres, même si tu ne t'en rendais pas compte, et j'aurais tout fait pour connaître tes fins. Golden baby, c'en est assez de courir, te faire désirer dans ces lumières qui donnent vie à nos nuits. Golden baby, reste fier de croire en ce qui n'existerait pas. Et si tu veux de moi, et retrouver tes rires et tes sirènes. Mais quand je l'ai vu près de toi, celle qui en chanson reprend vie, je sais maintenant que tu m'avais menti. Golden baby, c'en est assez de courir. Cœur de pirate! Ça se chamaille en studio! Cœur de pirate! Ouais. C'est parce qu'elle dit n'importe quoi, là. Angélie, tape un courriel. François, il donne des taloches. Puis... Non, elle tape pas un courriel, elle tape, elle écrit à François Landry. Ouais. Ouais, ben. Donc, vous êtes à Assemblage Requis, trêve de plaisanterie. Hein? On passe au poste d'écoute d'Assemblage Requis. Le poste d'écoute d'Assemblage Requis, c'est le segment d'émission où on écoute quelques pièces d'un même CD. Normalement, dans l'ordre, on va faire une petite exception aujourd'hui. Et déjà qu'on fait pas ce bloc-là très, très souvent, genre une fois par session à date. Là. On n'a pas le temps. Mais j'ai vu qu'on avait reçu le nouvel album de Bad of Skulls qu'on adore, Sweet Sour. Alors, pourquoi ne pas aller entendre trois extraits de ça? On va entendre les deux premières, comme dans un vrai poste d'écoute, comme on le ferait normalement. Sweet Sour et puis Bruises. On va sauter par-dessus Wanderluster. Pourquoi? Parce qu'on va entendre l'extrait qui est dans le palmarès à partir de cette semaine. Okay. C'est The Devil Takes Care of His Own. On écoute ça une après l'autre dans le poste d'écoute de C'est Fou. Bad of Skulls. Moi, je pense que ça va être délicieux. Sweet Sour, comme la sauce aigre-douce. Oh, miam! Manger des sushis. Hein, ah, il est bonheur. Hein? Il est bonheur de manger des sushis. Non! Je déjeunerai avec des sushis. Facile. Do you feel the need to talk about it? Now you're fighting for your corner, saying that you ought to laugh about it. You should get a little braver, do us all a favor, shout about it. Sweet sour, sweet sour, sweet sour. Your stitches better than your riches. Think about it. I know what you've been through. You don't really need to talk about it. It's just a little karma trying to disarm you. Shout about it. Sweet sour, sweet sour, sweet sour. But you're sweet about an hour. You were none the wiser, even though you tried to understand it. Try another spoonful. Love is to be truthful. Dance around it. Sweet about a sweet about an hour. Le poste d'écoute. Takes care of his own. casserole. Never did believe in saying fortunes are foretold. Easy come and easy they will go. Didn't you read it in the detail? Takes care of his own. Trois des quatre premières pièces de l'album Sweet Sour de Bad of Scores. On vient d'entendre l'entrée sur le palmarès anglophone de Devil Takes Care of His Own. Avant ça, c'était Bruises et on a débuté avec la pièce titre Sweet Sour pour ce groupe britannique Bad of Scores, groupe de rock alternatif composé de Russell Marsden à la guitare et la voix, Emma Richardson à la basse et la voix, Matt Hayward à la batterie. Le groupe s'est formé après s'être rencontré au collège. Au collège. Si, Russell et Matt sont amis depuis le secondaire, c'est ce que Wikipédia nous raconte. Et c'est leur deuxième album studio Sweet Sour qui est sorti la semaine dernière, mardi le 7. Il faut aller voir myspace.com/BadOfScores ou encore leur site qui est évidemment à BadOfScores.com. Cool! Oui, j'aime beaucoup ça. Vraiment, je ne suis pas déçu d'avoir entendu BadOfScores. À savoir combien de temps ça va durer dans le palmarès et quelle position ça va atteindre. Ouais, j'espère que c'était un petit peu défaitiste et pessimiste. Là. Reste à voir en tout cas combien de temps ça va durer. Non, mais je sais pas. Non, c'était aucunement défaitiste. C'est juste un fait, une affirmation. Ah, une phrase. Une phrase, exactement. Sujet, verbe et compliment. Et compliment parce que t'aimes ça. Oh, oui. Tu les compliments. C'est ça, oui. Donc, on va écouter une dernière pièce, en fait, plus de Band of Scores. On termine le poste d'écoute ici. On ferme ça, on met la clé là-dedans. La clé dans la porte. La clé dans la porte. Je jette l'éponge. Voilà. Pour aller entendre du Jane's Addiction, on retourne un petit peu en arrière. On n'écoute pas la pièce qui est dans le palmarès en ce moment. On y va avec Irresistible Force Met the Immovable Object. Et puis on se retrouve avec la conclusion de l'émission juste après. 7 heures rendez-vous. Hein? Ouais. Prenez ça en note. Ouais, Anne-Julie va rester là, je pense. Oui. Parce que ça paraissait pas, mais elle était là depuis tantôt. Je suis un peu dans le nid tout le matin. We didn't know that it would blow up with such might. The stars are even brighter. Could you sit by tonight? Send out the shockwaves, fill up the outer space. Even the ghosts came to the late, late, late show. Watch us play. Everyone is talking, making up their faces. Wonder what we look like naked. The Irresistible Force, Mad Immovable Object de Jane's Addiction, assemblage requis. Et c'est la fin de notre émission pour aujourd'hui, François. Déjà? Oui. Demain, grosse émission aussi. Ça a passé demain. Demain, oui, jeudi, en effet, on va voir Simon Fitzbé à 8h avec sa chronique Phénomène. François Landry qui va nous parler de politique. Oui. Belle émission. Belle émission. Bien chargé comme toujours. Restez sur nos ondes, juste après nous, ce sera SPM de gars, ben, après nous comme dans une heure. Dans une heure. SPM de gars avec espoir, politique et musique. Pas musique, média, mais il y a aussi de la musique. Hein. Ça, oui, il y a de la musique aussi. À 11h, c'est Dîner de con avec Denis Janvier et Charles-André Lambert. À 13h, si vous avez manqué Catalepsie, l'émission musicale thématique de Simon Fitzbé, ça repasse. À 16h, même chose pour La Spirale avec Mathieu Leblanc-Houle. À 17h, de retour en direct avec Kim Bergeron, une émission 6 degrés. Ensuite, à 19h, c'est Le Lobby avec la musique électronique. On continue en électro avec du Trance CTR à 21h. Et à 22h, la nouvelle émission aussi de Trance, Transformer. Ouais, Transformer. C'est génial ça. Ouais, j'aime bien ça. J'adore ça. Ouais. Donc, c'est ça pour la programmation. Allez voir cif.ca et allez voir sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte avec une pièce de Neurone, un nouvel extrait du palmarès francophone. C'est, comment est-ce qu'on appelle ça? Chambord! C'est le nom d'une ville. T'avais une anecdote là-dessus, je pense, hein, c'est ça? Et oui, en fait, je vous raconte ça vite. On était supposé aller à là-dessus, jouer au golf. On était parti vraiment de bonne heure le matin. On s'est ramassé à Chambord. Chambord, je sais pas si. Est-ce que tu sais c'est où? Non. Au lac Saint-Jean. Ah, eh ben. Ouais, c'est ça. Fait que. C'est ça. Mais c'est pas moi qui conduisais. En même temps, j'ai eu. Non. Ils ont jeté le blâme sur le copilote, mais le copilote, il dormait au golf. Hein? Si? Oh. Si ça avait été toi qui conduisais, je sais. Ah, là-dessus que direct, ben. Ouais, c'est ça. Ouais. Point A, point B. Ouais. La dernière fois, on est allé en ski. Tu t'es perdu, je te rappelle. Ah, vous êtes allé en ski ensemble. Ouais, mais je me suis perdu, mais c'était c'est pas moi, là. C'était coupé. Je suis parti après toi, puis je suis arrivé bien avant toi. Ouais. C'est tout. C'est tout. Eh ben. Je savais pas c'était où. Rien à dire de plus. J'ai déjà été, mais. C'est peut-être pas bien compliqué. Non. GPS, hein. GPS. GPS. Ça va toujours bien. T'as un iPhone, hein? Oui, hein? iPhone. Ah, ma sœur pas, par exemple, au volet. Pas de loi. Ah, bon. Il me suit les lois. C'est bien. Chouette. Merci à Anne-Julie Durocher. Merci, Anne-Julie et son verre solitaire. Oui. Elle a une basse en arrière de la tête, puis je pense que François, il fait peur avec l'émission de Canal D. C'est quoi l'émission? Ah non, c'est okay. Il dit n'importe de quoi, là. Il y avait un verre blanc qui était sorti de la tête du gars. À Canal D. Ouais. Ah. Il compte des menteries pour essayer de me faire peur, mais ça marche pas. Ouais, ça marchait un peu. Je voyais un peu la terreur dans tes yeux. Non. Ben. Non, c'est comme une petite bosse, là. Le verre solitaire. Rien de bien, bien paniquant. Donc, Anne-Julie Durocher, merci aussi à Jasmine Raymond-Réville et tous les autres. Passez une excellente journée. Bye, François. Bye, Mathieu. À demain.